petit cœur est touché, j'ai donné tellement d'amour, j'ai donné tellement de temps que je n'ai pu récupérer. Rejoins-moi derrière les quais, j'ai des soucis à noyer. À l'intérieur c'est cassé, mais tu vas tout réparer. Je veux même pas savoir si je suis le premier, mais celui qui t'a laissé ne t'a pas bien regardé. Tu seras envié par les reines, jalousé par les duchesses. Tes pieds bouleront toutes les terres comme les Didi d'Angleterre. Parle-moi, parle-moi, parle-moi, parle-moi, parle-moi, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Ce soir c'est menu spécial, je te sers mes sentiments. Assis aux extrémités comme l'Orient et l'Occident. À chaque chose que tu demandes, mon cœur ne sait pas dire non. Concentre-toi sur la carte, je m'occupe de l'addition. J'écris ça sur une montagne à la lumière de la foudre. C'est comme dans les films, je te vois, je traverse la foule. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Star de la télé-réalité, Darcy Nadadjo, Aronina Ficha, X-Games Nadjelas, Bejik, un saut le véritable, voilà. H maintenant, Jason Natrevis, Jean-Claude Cabongo, l'homme aux mille facettes.